Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Huitième épisode. Sur son île grecque, Darley poursuivait l'écriture du roman de ses souvenirs. Il venait de relater la période de la jalousie morbide de Nessim à l'égard de Justine. Un soir d'hiver, Balthazar, vieil ami médecin qui possédait les clés de nombreux mystères qui avaient agité Alexandrie, mais aussi Justine, Nessim, Cléa et les autres, Balthazar avait fait irruption dans l'antre de l'écrivain. Il avait accepté de lire le manuscrit de Darley et promis d'éclairer les points restés obscurs. Sa première révélation concernait Cléa et Justine. Elles avaient été amantes, et cette liaison avait marqué Cléa au fer rouge. Bien dormi, Balthazar? Oh, moi, admirablement. Mais vous, j'imagine quelle fièvre, quelle vision vous en donnez de notre petite conversation d'hier. Ce qui me torture, c'est de penser qu'en même temps que moi, Justine et Cléa... Rassurez-vous, cela s'est terminé assez vite, avant même le mariage de Nessim et Justine. Et par conséquent, avant votre rencontre avec Justine. On jasait à Alexandrie, et le père de Cléa m'avait demandé de lui parler. Je me souviens, avec quelle petite voix comprimée et frémissante elle s'était défendue. Je n'ai pas été seule avec Justine depuis des mois, comprenez-vous? Cela a cessé avec le tableau. Si vous voulez que nous restions amis, ne faites plus jamais allusion à cela. Justine, que de ravages commis. Et que de ravages subis. Elle ne vous a jamais parlé du viol? Jamais. Elle a été violée par un de ses amis. Il est impossible de savoir à quel âge. À partir de ce moment, elle n'a plus pu obtenir de satisfaction dans l'amour. À moins de revivre la scène en esprit et d'en rejouer les épisodes. C'est pour cela que l'amour était pour elle comme une sorte de masturbation, chargée de toutes les couleurs de la neurasthénie. Cet homme, vous savez qui c'est? Un soir d'été, la chaleur était suffocante, nous nous promenions, Justine et moi, sur la corniche. Un taxi s'est arrêté, un moment, à notre hauteur. Le visage de Justine a pris une expression d'une telle angoisse. Justine, qu'est-ce qu'il y a? L'homme que mes amants tous pourchassaient. Là, il vient de passer. J'ai aperçu un homme au complet gris. Les cheveux clairsemés. Le profil aigu et un bandeau sur l'œil. Capodistria. Da Capo lui-même. Da Capo. Cet animal lubrique. Et Nessim, il savait? Non. Il s'est longtemps acharné à découvrir qui était le violeur de Justine. Les derniers temps, c'était devenu une obsession. Il en était miné. C'était donc cela la cause du changement de Nessim. Cette jalousie, cette mélancolie menaçante. Dans une certaine mesure, cela a contribué à ses tourments. Mais pas seulement. Et Justine? Elle n'a jamais essayé de revoir Capodistria, de lui parler? Si. Je n'oublierai jamais comment elle a raconté la scène. Nous dînions à l'Union. J'ai sonné. Il était là, dans sa célèbre bibliothèque. Je tremblais comme une feuille. Voyez-vous, je ne savais pas quel ton prendre. Tragique, pathétique, désinvolte. Finalement, j'ai dit, mon cher Da Capo, vous avez été mon démon pendant si longtemps que je suis venue vous demander de m'exorciser une fois pour toutes, de m'arracher le souvenir d'un horrible incident qui a marqué mon enfance. Il faut que vous couchiez avec moi. Complètement ahuri, il a bégayé. Mais voyons, Justine, Nessim est mon ami. Il m'a offert un whisky et il a insisté pour que je prenne un cachet d'aspirine. Il était persuadé que j'avais perdu la tête. Il s'est assis timidement devant moi, comme un petit garçon accusé d'avoir volé des pommes. Il était complètement abasourdi d'apprendre qu'il m'avait violée quand j'étais une petite fille du quartier arabe. Il était indigné et niait tout du début jusqu'à la fin. Et savez-vous ce qu'il a laissé échapper au milieu de toutes ces protestations et justifications? Mais enfin, il y a 15 ans que je n'ai pas fait cela avec une gamine. Le soir dans mon lit, à la pensée que Dacapo avait oublié si complètement un acte qui m'avait coûté tant d'angoisse et rendu à moitié folle, je me suis dit que c'était peut-être de cette façon-là que Dieu lui-même oublie les torts qu'il nous cause en nous abandonnant à la merci du monde. Quand elle s'est tue, nous avions les larmes aux yeux. C'était des larmes d'admiration. Nous ? Vous n'étiez pas seul ? Non, il y avait aussi Puss Warden. Je l'ai rarement vu aussi ému. Il l'a enlacé. Plus tard, Justine m'a dit que ce geste avait été plus que le baiser d'un amant. D'un amant ? Écoutez, Darley, vous allez avoir de la peine, mais puisque vous traquez la vérité, je vous la dois. Si Justine n'a jamais connu la passion, ce fut avec Puss Warden. Ça m'a traversé une ou deux fois, cette idée-là. Et lui, il l'aimait ? Il s'est débattu avec beaucoup de cruauté contre la séduction de Justine. De lui, elle a tout accepté. Nessim était au courant ? Il a su assez vite. Et cela l'a rendu fou. Justine lui devenait totalement inaccessible. Tenez, l'accident sur la route du Caire, Justine ne vous avait pas tout dit. En réalité, elle avait aperçu Selim introduire un objet sous le capot. C'était un dictaphone destiné à espionner ses conversations avec Puss Warden. En essayant de le retirer, elle avait sectionné par mégarde les fils du moteur. Vous vous souvenez que l'accident a eu lieu sur la route du Caire où elle devait le rejoindre. Lui, Puss Warden. D'accord. Mais le mot « attention » sur le sable et le télescope en direction de la petite cabane dans l'oasis. C'est vrai. Nessim voulait vous déstabiliser. L'avertissement sur le sable, c'était pour vous, mais le télescope, c'était pour Puss Warden. Il a beaucoup fréquenté la petite hutte au bord de la lagune. Et puis, Nessim était devenu un peu jaloux de tout le monde. Même de moi. De vous. Mais enfin, il savait bien que vous n'aimez pas... Pardonnez-moi, Balthazar, mais enfin, vous êtes... Homosexuel. Oui, bien sûr. Mais à Alexandrie, rien n'empêche rien, vous savez bien. Vous vous souvenez de notre première rencontre ? Sur la corniche, quand vous cherchiez la clé de votre montre ? Eh bien, imaginez-vous que c'était Justine qui l'avait volée. La petite clé ressemblait à celle du coffre de Nessim. Justine était persuadée qu'il avait mis en lieu sûr des documents concernant l'enlèvement de son enfant. Et elle avait tenté d'ouvrir le coffre. Ce soir-là, Nessim s'était posté devant elle avec fermeté et grandiloquence. Justine, ne va pas t'imaginer que je deviens fou. Dis-moi, Balthazar a-t-il jamais été plus qu'un ami pour toi ? Non, mon chéri. Alors je ne comprends pas comment ceci a pu venir en notre possession. J'ai trouvé ça dans la boîte à bijoux. Il s'agit bien de la clé de la montre de Balthazar. Oui, peut-être l'a-t-il laissé tomber lors d'une de nos réunions. Je ne sais plus. Attendez, Balthazar, attendez. Et la silhouette de Nessim le jour de l'émission de radio ? Puss Warden était au Caire ce jour-là. C'est bien Justine et moi que Nessim espionnait, non ? Mon cher ami, la silhouette derrière la vitre de la chambre à coucher de Justine n'était pas celle de Nessim, mais celle de Maskelyne. Le général de brigade ? Le collègue de Puss Warden au Foreign Office au Caire ? Selim, le chauffeur de Nessim, avait mouchardé sur le compte de certaines activités de son maître. Maskelyne était à la recherche de certains documents. Alors, tout était faux. C'était surtout très cruel, Darley. Je comprends ce que vous ressentez. Mais je vais vous dire, derrière tout ce magma de passion, de trahison, d'impuissance et autres avatars de l'amour, il y avait l'utopie et la détermination d'un homme. Le doux Nessim Hosnani. Balthazar a mis alors Darley au courant du complot fomenté par Nessim, en liaison avec les organisations juives clandestines en lutte contre les Britanniques en Palestine. Grâce à son immense fortune, il leur fournissait des armes en échange de leur soutien dans l'action qu'il comptait entreprendre pour affaiblir la couronne royale égyptienne. Balthazar a ajouté que la principale alliée de Nessim dans son entreprise n'était autre que Justine. Il a raconté alors à Darley, stupéfait et meurtri, l'étrange transaction qui avait présidé au mariage du couple Rosnani. La juive Justine devenait la garante de son mari auprès du comité juif de Palestine. De son côté, Nessim s'engageait à retrouver l'enfant perdu de sa femme. Justine savait, et elle m'a tout dissimulé. Mais alors... Décidé à ne rien taire à son ami, Balthazar lui a donné la dernière estocade. Plus qu'une simple caution, Justine avait joué un rôle actif dans les prémices du complot. Nessim lui avait demandé de s'assurer que Perse Warden d'abord, Darley ensuite, ignorait tout de ses projets. Elle avait fait du second son amant pour dissimuler l'amour fou qu'elle éprouvait pour le premier. L'écrivain irlandais n'avait été qu'un appât. Quel cynisme froid, quelle mascarade. Justine et ses frayeurs, Nessim et ses délires mélancoliques, rien que des mensonges. Vous vous trompez, mon cher. Il était consterné et épouvanté par l'ampleur de ses sentiments. Il m'a dit un jour, « Cette juive m'a dévoré l'âme. » Et la mienne, oh combien. Ce que je vois clairement, c'est que j'ai été le jouet d'une farce amoureuse. Mais ce que je continue à ne pas comprendre, c'est la menace que je pouvais représenter pour Nessim et son satané complot. À cause de Mélissa et de sa liaison passée avec Cohen. C'est lui qui était chargé de l'acheminement des armes d'Égypte jusqu'en Palestine. Cohen, qui nous suivait comme une ombre. Son amour pour Mélissa, ce n'était pas de l'opérette. Il m'avait ému, cet homme. Vous savez que je l'ai quasiment vu mourir. C'était à l'hôpital grec d'Alexandrie, dans une pauvre chambre à un lit tendu d'une courtine blanche réservée aux cas désespérés. Voilà. C'est ici la chambre de Monsieur Cohen. Vous avez bien fait de venir, personne ne vient le voir. Parfois il délire. Puis il se réveille et il demande après des gens. Vous êtes un parent ? Un associé d'affaires. Bonsoir, Cohen. Mélissa n'a pas pu venir. Elle est en voyage, je lui ai télégraphié de venir le plus vite possible. Si je peux vous aider en quoi que ce soit. Je sais qu'elle est ici, à Alexandrie. Mais ça n'a pas d'importance. Je voulais régler honorablement mes dettes avec elle. Je me suis mal conduit. Quand elle était malade, je ne lui donnais pas d'argent. Des petites choses, mais qui pèsent lourd. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je me suis toujours tracassé pour l'argent quand j'étais vivant. Mais quand on meurt, on s'aperçoit tout à coup qu'on est en fond. Et dans le placard, là, prenez le manteau en zibeline, c'est pour elle. Et dans ma veste, les alliances, donnez-les-moi. Elle les avait choisies il y a longtemps. Elles sont à elle. Peut-être que si un jour vous, Darley, si vous pouviez... Quoi donc ? Parlez, Cohen. Si vous pouviez... Mais non, vous ne l'épouserez pas. Pourquoi l'épouseriez-vous ? Ça ne fait rien. Donnez-lui avec le manteau. Voilà toute l'histoire, Balthazar. En rentrant par l'avenue plongée dans la nuit, je me suis souvenu d'une phrase terrible de Justine. « Nous nous servons des autres comme si c'était des haches pour abattre ceux que nous aimons réellement. » Je n'aurais pas dit mieux. J'ai marché longtemps et lentement, respirant avec soulagement la brise qui soufflait du port, mais la puanteur qui régnait dans cette chambre d'hôpital, dans ce corps à moitié mort, j'en ai encore la nausée. Cette puanteur, vous savez ce que c'était ? Cohen a été empoisonné quand les choses se sont compliquées pour Nessim et son complot. Nessim ? Ce serait lui qui aurait commandité le meurtre ? Peut-être, ou peut-être pas. On ne sait pas. Et Pershwarden, bien sûr, était au courant de tout, lui. Rassurez-vous, Darlene. Dans cette affaire, Pershwarden a été tout aussi manipulé que vous. Pour vous, ce fut Justine. Pour lui, ce fut Nessim. Lorsque Maskelyne, son collègue du Foreign Office, a été convaincu de l'existence du complot contre la maison royale égyptienne, il a déposé sur le bureau de Pershwarden un document intitulé « Un complot chez les Coptes ». Il y accusait Nessim d'être le cerveau et le financier de la conspiration. Ce rapport s'appuyait essentiellement sur les allégations de Selim qu'il avait soudoyé. Rien d'autre, puisqu'il n'avait pas réussi à prendre connaissance des dossiers secrets que Nessim gardait dans le coffre de sa chambre. Ce fameux jour où Justine et moi avions vu sa silhouette par la fenêtre de l'escalier de service. Exact. En fait, Pershwarden ne désirait qu'une chose, que Nessim soit absous de ses accusations. Je crois qu'il avait pour lui une affection sincère. Sans perdre une minute, il s'est rendu dans la grande maison. Bonjour, je voudrais voir Nessim Osnani. Soyez le bienvenu, monsieur Pershwarden. Je vous en prie. Enfin. Vous m'attendiez. Mais oui, mon cher, depuis un temps infini. Je me demandais quand vous finiriez par venir me poser des questions. Quel soulagement. Et alors, Balthazar, que s'est-il passé? Continuez, je vous en prie. Assez pour aujourd'hui, je suis fatigué. Oh, vous êtes terrible. Vous ignoriez, cher ami, qu'il y a une Sherazade en moi. Oh. Cette nuit-là, Darley s'est installé à sa table devant l'antique cheminée de pierre, sous le portrait de Justine par Cléa, et d'une main tremblante, il s'est remis à écrire. Et une fois encore, la ville se leva devant moi. La politique de l'amour, les intrigues du désir, le bien et le mal, la vertu et le caprice, passion et meurtre rôdaient obscurément dans les recoins des rues et des places d'Alexandrie, bordels et salons, rôdaient comme de grandes migrations d'anguilles dans la boue des trames et contre-trames. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, traduit par Roger Giroux, adapté par Eglal Herrera. Huitième épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, Vanessa Larré, Cléa, Thibaut Vincent, Pershwarden. Et les voix de Jeanne Candel, Philippe Hourier, Grégory Kidel, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.